David Copperfield, livre 1, chapitre 24, Mes premiers excès. N'était-ce pas une bien belle chose que d'être chez moi, dans ce bel appartement, et d'éprouver, quand j'avais fermé la porte d'entrée, le même sentiment de fière indépendance que Robinson Crusoe quand il avait escaladé ses fortifications et retiré son échelle derrière lui? N'était-ce pas une belle chose que de me promener dans la ville avec la clé de ma maison dans ma poche et de savoir que je pouvais inviter qui je voudrais à venir chez moi sans avoir à craindre de gêner personne quand cela ne me dérangerait pas moi-même? N'était-ce pas une belle chose que de pouvoir entrer et sortir, aller et venir sans rendre compte à personne et d'un coup de sonnette de faire monter Mistress Croupe tout essoufflé des profondeurs de la terre quand j'avais besoin d'elle et quand il lui convenait de venir? Certainement oui, c'était une bien belle chose, mais je dois dire aussi qu'il y avait des moments où c'était bien triste. C'était charmant le matin, surtout quand il faisait beau. C'était une vie très agréable et très libre en plein jour, surtout quand il y avait du soleil. Mais quand le jour baissait, le charme de l'existence baissait aussi d'un cran. Je ne sais comment cela se faisait, mais elle perdait beaucoup de ses avantages à la chandelle. À cette heure-là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui parlait. Agnès me manquait. Je trouvais un bien grand vide à la place de l'aimable sourire de ma confidente. Mistress Croupe me faisait l'effet d'être à 100 lieues. Je pensais à mon prédécesseur qui était mort à force de boire et de fumer, et j'en étais presque à souhaiter qu'il eût plutôt la bonté de vivre au lieu de mourir exprès pour m'ennuyer. Après 2 jours et 2 nuits, il me semblait qu'il y avait 1 an que je demeurais dans cet appartement, et pourtant je n'avais pas vieilli d'une heure, et j'étais aussi tourmentée que par le passé de mon extrême jeunesse. Steerforth n'apparaissant pas, ce qui faisait craindre qu'il ne fût malade, je quittai la cour de bonne heure le 3e jour pour prendre le chemin de Highgate. Mistress Steerforth me reçut avec beaucoup de bonté et me dit que son fils était allé avec un de ses amis d'Oxford voir un de leurs amis communs qui demeurait près de St. Albans, mais qu'elle l'attendait le lendemain. Je l'aimais tant que je me sentis jaloux de ses amis d'Oxford. Elle me pressa de rester à dîner, j'acceptai, et je crois que nous ne parlâmes pas d'autre chose que de lui tout le jour. Je lui racontai les succès qu'il avait eus à Yarmouth, en me félicitant de l'aimable compagnon que j'avais eu là. Miss Dartle n'épargnait ni les insinuations, ni les questions mystérieuses, mais elle prenait le plus grand intérêt à nos faits et gestes, et répéta si souvent « En vérité, est-il possible ?» qu'elle me fit dire tout ce qu'elle voulait savoir. Elle n'avait point changé du tout depuis le jour où je l'avais vue pour la première fois, mais la société des 2 dames me parut si agréable et j'y trouvais tant de bienveillance que je vis le moment où j'allais devenir un peu amoureux de Miss Dartle. Je ne pus m'empêcher de penser plusieurs fois pendant la soirée et surtout en retournant chez moi le soir qu'elle ferait une charmante compagne pour mes soirées de Buckingham Street. J'étais en train de déjeuner avec du café et un petit pain le lendemain matin, avant de me rendre à la cour. À propos, je crois que c'est le moment de m'étonner en passant de la prodigieuse quantité de café que Mistress Croupe achetait à mon compte pour le faire si faible et si insipide, quand Steerforth lui-même entra à ma grande joie. « Mon cher Steerforth, m'écriai-je, je commençais à croire que je ne vous reverrai plus jamais. » « J'ai été enlevé à force de bras, » dit Steerforth, « le lendemain de mon arrivée à la maison. Mais, Pâquerette, dites-moi donc, savez-vous que vous voilà installé comme un bon vieux célibataire ?» Je lui montrai tout mon établissement, sans oublier l'office, avec un certain orgueil, et il ne fut pas avare de ses louanges. « Tenez, mon vieux, je vais vous dire, » reprit-il, « je ferai ma maison de ville de votre appartement. » À moins que vous ne me donniez congé. Quelle agréable promesse! Je lui dis que s'il attendait son congé, il pourrait bien attendre jusqu'au jugement dernier. « Mais vous allez prendre quelque chose, » lui dis-je en étendant la main vers la sonnette. « Mistress Croupe va vous faire du café, et moi je vais vous faire griller quelques tranches de lard sur un petit fourneau que j'ai là. »« Non, non, » dit Steerforth, « ne sonnez pas. Je vais déjeuner avec un de ces jeunes gens qui logent à Piazza Hotel près de Covent Garden. » « Au moins vous reviendrez pour dîner, » dis-je. « Je ne pense pas, sur ma parole. J'en ai bien du regret, mais il faut que je reste avec mes deux compagnons. Nous partons tous les trois demain matin. »« Alors amenez-les dîner ici, » répliquai-je, « si vous croyez qu'ils puissent accepter. » « Oh, ils viendraient bien volontiers, » dit Steerforth, « mais nous vous gênerions. Vous feriez mieux de venir dîner avec nous quelque part. » Je ne voulus pas consentir à cet arrangement, car je m'étais mis dans la tête qu'il fallait absolument que je donnasse une petite fête pour mon installation et que je ne pouvais rencontrer une meilleure occasion de pendre la crémaillère. J'étais plus fière que jamais de mon appartement, depuis que Steerforth l'avait honoré de son approbation, et je brûlais du désir de lui en développer toutes les ressources. Je lui fis promettre positivement de venir avec ses deux amis et nous fixâmes le dîner à 6 heures. Quand il fut parti, je sonnai Mistress Croup et je lui annonçai mon hardi projet. Mistress Croup me dit d'abord que, naturellement, on ne pouvait pas s'attendre à la voir servir à table, mais qu'elle connaissait un jeune homme très adroit qui consentirait peut-être à servir, moyennant 5 shillings, avec une petite gratification en sus. Je lui répondis que certainement il fallait avoir ce jeune homme. Ensuite, Mistress Croup ajouta qu'elle ne pouvait pas être entre 2 endroits à la fois, ce qui me parut raisonnable, et qu'une petite fille installée dans l'office avec un bougeoir pour laver sans relâche les assiettes serait indispensable. Je demandai quel pourrait être le prix des services de cette jeune personne. Mistress Croup supposait que 18 pence ne me ruinerait pas. Je ne le supposais pas non plus, et ce fut encore un point convenu. Alors Mistress Croup me dit « Maintenant, passons au menu du dîner. » Le fumiste qui avait construit la cheminée de la cuisine de Mistress Croup avait fait preuve d'une rare imprévoyance en la faisant de manière qu'on n'y pouvait cuire que des côtelettes et des pommes de terre. Quant à une poissonnière, Mistress Croup dit que je n'avais qu'à aller regarder la batterie de cuisine. Elle ne pouvait pas m'en dire davantage. Je n'avais qu'à venir voir. Comme je n'aurais pas été beaucoup plus avancée d'aller voir, je refusais en disant « Oh, on peut se passer de poisson !» Mais ce n'était pas le compte de Mistress Croup. « Pourquoi cela ? » dit-elle. « C'est la saison des huîtres. Vous ne pouvez pas vous dispenser d'en prendre. » « Va donc pour les huîtres !» Mistress Croup me dit alors que son avis serait de composer le dîner comme il suit. Une paire de poulets rôtis, qu'on ferait venir de chez le traiteur, un plat de bœuf à la mode avec des carottes, de chez le traiteur, 2 petites entrées comme une tourte chaude et des rognons sautés, de chez le traiteur, une tarte, et si cela me convenait, une gelée, de chez le traiteur. « Ce qui me permettrait, » dit Mistress Croup, « de concentrer mon attention sur les pommes de terre et de servir à point le fromage et le céleri à la poivrade. » Je me conformais à l'avis de Mistress Croup et j'allais moi-même faire mes commandes chez le traiteur. En descendant le Strand, un peu plus tard, j'aperçus à la fenêtre d'un charcutier un bloc d'une substance veinée qui ressemblait à du marbre et qui portait cette étiquette « Fausse tortue. » J'entrai et j'en achetai une tranche suffisante, à ce que j'ai vu depuis, pour 15 personnes. Mistress Croup consentit avec quelques difficultés à réchauffer cette préparation qui diminua si fort en se liquéfiant que nous la trouvâmes, comme disait Steerforth, un peu juste pour nous 4. Ces préparatifs heureusement terminés, j'achetai un petit dessert au marché de Covent Garden et je fis une commande assez considérable chez un marchand de vin en détail du voisinage. Quand je rentrai chez moi dans l'après-midi et que je vis les bouteilles rangées en bataille dans l'office, elles me semblèrent si nombreuses quoiqu'il y en eût deux qu'on ne pût pas retrouver, au grand mécontentement de Mistress Croupe, que j'en fus littéralement effrayée. L'un des amis de Steerforth s'appelait Granger et l'autre Markham. Ils étaient tous les deux gais et spirituels. Granger était un peu plus âgé que Steerforth. Markham avait l'air plus jeune. Je ne lui aurais pas donné plus de 20 ans. Je remarquai que ce dernier parlait toujours de lui-même d'une manière indéfinie en se servant de la particule « on » pour remplacer la première personne du singulier qu'il n'employait presque jamais. « On pourrait très bien vivre ici, Monsieur Copperfield, » dit Markham, voulant parler de lui-même. « La situation est assez agréable, » répondis-je, « et l'appartement est vraiment commode. » « J'espère que vous avez fait provision d'appétit, » dit Steerforth à ses amis. « Sur mon honneur, » dit Markham, « je crois que c'est Londres qui vous donne comme cela de l'appétit. On a faim toute la journée. On ne fait que manger. » J'étais un peu embarrassée d'abord et je me trouvais trop jeune pour présider au repas. Je fis donc asseoir Steerforth à la place du maître de la maison quand on annonça le dîner et je m'assis en face de lui. Tout était excellent. Nous n'épargnions pas le vin et Steerforth fit tant de frais pour que la soirée se passât gaiement qu'en effet ce fut une véritable fête d'un bout à l'autre. Pendant le dîner, je me reprochais de ne pas être aussi gracieux pour mes hôtes que je l'aurais voulu, mais ma chaise était en face de la porte et mon attention était troublée par la vue d'un jeune homme très adroit qui sortait à chaque instant du salon et dont j'apercevais la silhouette se dessiner le moment d'après sur le mur de l'antichambre, une bouteille à la bouche. La jeune personne me donnait également quelques inquiétudes, non pas pour la propreté des assiettes, mais dans l'intérêt de ma vaisselle dont je l'entendais faire un carnage affreux. La petite était curieuse, et au lieu de se renfermer tacitement dans l'office, comme le portaient ses instructions, elle s'approchait constamment de la porte pour nous regarder, puis quand elle croyait être aperçue, elle se retirait précipitamment sur les assiettes dont elle avait tapissé soigneusement le plancher dans l'office. Et vous jugez des conséquences désastreuses de cette retraite précipitée. Ce n'était pourtant, après tout, que de petites misères, et je les eus bientôt oubliées quand on eut enlevé la nappe et que le dessert fut placé sur la table. On découvrit alors que le jeune homme très adroit avait perdu la parole. Je lui donnai en secret le conseil utile d'aller retrouver Mistress Croupe, et d'emmener aussi la jeune personne dans les régions inférieures de la maison, après quoi je m'abandonnais tout entier au plaisir. Je commençais par une gaieté et un entrain singulier. Une foule de sujets à demi oubliés se pressèrent à la fois dans mon esprit, et je parlais avec une abondance inaccoutumée. Je riais de tout mon cœur de mes plaisanteries et de celles des autres. Je rappelais Steerforth à l'ordre, parce qu'il ne faisait pas circuler le vin. Je pris l'engagement d'aller à Oxford. J'annonçai mon intention de donner toutes les semaines un dîner exactement pareil à celui que nous venions d'achever, en attendant mieux, et je pris du tabac dans la tabatière de Granger avec une telle frénésie que je fus obligée de me retirer dans l'office pour y éternuer à mon aise, 10 minutes de suite, sans désemparer. Je continuais en faisant circuler le vin toujours plus rapidement et en me précipitant pour déboucher de nouvelles bouteilles longtemps avant que ce fût nécessaire. Je proposais la santé de Steerforth à mon meilleur ami, au protecteur de mon enfance, au compagnon de ma jeunesse. Je déclarais que j'avais envers lui des obligations que je ne pourrais jamais reconnaître et que j'éprouvais pour lui une admiration que je ne pourrais jamais exprimer. Je finis en disant « À la santé de Steerforth, que Dieu le protège !»« Hurrah !» Nous bûmes 3 fois 3 verres de vin en son honneur, puis encore un petit coup, puis un bon coup pour en finir. Je cassai mon verre en faisant le tour de la table pour aller lui donner une poignée de main et je lui dis, en deux mots, Steerforth, vous êtes l'étoile polaire de mon existence. » Ce n'était pas fini. Voilà que je m'aperçois tout d'un coup que quelqu'un en était au milieu d'une chanson. C'était Markham qui chantait « Quand les soucis nous accablent ». En finissant, il nous proposa de boire à la santé de la femme. Je fis des objections et je ne voulus pas admettre le toast. Je n'en trouvais pas la forme assez respectueuse. Jamais je ne permettrais qu'on portât chez moi pareil toast autrement qu'en ces termes « les dames ». Ce qui fit que je pris un air très arrogant avec lui, ce fut surtout parce que je voyais que Steerforth et Granger se moquaient de moi, ou de lui, peut-être de tous les deux. Il me répondit qu'on ne se laissait pas faire la loi. Je lui dis qu'on serait bien obligé de se la laisser faire. Il répliqua qu'on ne devait pas se laisser insulter. Je lui dis qu'il avait raison et qu'on n'avait pas cela à craindre sous mon toit, où les dieux, l'art étaient sacrés et l'hospitalité toute puissante. Il dit qu'on ne manquait pas à sa dignité en reconnaissant que j'étais un excellent garçon. Je proposais sur le champ de boire à sa santé. Quelqu'un se mit à fumer. Nous fumâmes tous, moi aussi, malgré le frisson qui me gagnait. Steerforth avait fait un discours en mon honneur, pendant lequel j'avais été ému presque jusqu'aux larmes. Je lui répondis en exprimant le vœu que la compagnie présente voulût bien dîner chez moi le lendemain et le jour suivant et tous les jours à 5 heures, afin que nous puissions jouir du plaisir de la société et de la conversation tout le long de la soirée. Je me crus obligé de porter une santé nominative. Je proposai donc de boire à la santé de ma tante, Miss Betsy Trotwood, l'honneur de son sexe. Il y avait quelqu'un qui se penchait à la fenêtre de ma chambre à coucher en appuyant son front brûlant contre les pierres de la balustrade et en recevant le vent sur son visage. C'était moi. Je me parlais à moi-même sous le nom de Copperfield. Je me disais « Pourquoi avez-vous essayé un cigare? Vous saviez bien que vous ne pouvez pas fumer !» Il y avait, après cela, quelqu'un qui n'était pas bien solide sur ses jambes et qui se regardait dans la glace. C'était encore moi. Je me trouvais l'air pâle, les yeux vagues et les cheveux, seulement les cheveux, rien de plus, ivre. Quelqu'un me dit « Allons au spectacle, Copperfield !» Je ne vis plus la chambre à coucher. Je ne vis que la table branlante, couverte de verre retentissant, avec la lampe dessus. Granger était à ma droite, Markham à ma gauche, Steerforth en face, tous assis dans le brouillard et loin de moi. Au spectacle ? Sans doute, c'est cela. Allons ! Excusez-moi seulement si je sors le dernier pour éteindre la lampe de peur du feu. Grâce à quelques confusions dans l'obscurité, sans doute, il fallait que la porte fût partie. Je ne la trouvais plus. Je la cherchais dans les rideaux de la fenêtre quand Steerforth me prit par le bras en riant et me fit sortir. Nous descendîmes l'escalier les uns après les autres. Au moment d'arriver en bas, quelqu'un tomba et roula jusqu'au palier. Je ne sais quel autre dit que c'était Copperfield. J'étais indigné de ce faux rapport. Jusqu'au moment où, me trouvant sur le dos dans le corridor, je commençais à croire qu'il y avait peut-être quelque fondement à cette supposition. Il faisait cette nuit-là un brouillard épais avec des halos de lumière autour des réverbères dans la rue. On disait vaguement qu'il pleuvait. Moi, je trouvais qu'il gelait. Steerforth m'épousta sous un réverbère, retapa mon chapeau que quelqu'un avait ramassé quelque part, je ne sais comment, car je ne l'avais pas auparavant. Steerforth me dit alors « Comment vous trouvez-vous, Copperfield ?» Et je lui répondis « Mieux que jamais !» Un homme niché dans un petit coin m'apparut à travers le brouillard et reçut l'argent de quelqu'un en demandant si on avait payé pour moi. Il eut l'air d'hésiter, autant que je me rappelle cet instant rapide comme un éclair, s'il me laisserait entrer ou non. Le moment d'après, nous étions placés très haut dans un théâtre étouffant. Nous plongeons de là dans un parterre qui m'avait l'air de fumer, tant les gens qui y étaient entassés se confondaient à mes yeux. Il y avait aussi une grande scène qui paraissait très propre et très unie quand on venait de la rue. Et puis, il y avait des gens qui s'y promenaient et qui parlaient de quelque chose, mais d'une manière très confuse. Il y avait beaucoup de lumière, de la musique, des dames dans les loges, et je ne sais quoi encore. Il me semblait que tout l'édifice prenait une leçon de natation à voir les oscillations étranges avec lesquelles il m'échappait quand j'essayais de le fixer des yeux. Sur la proposition de quelqu'un, nous résolûmes de descendre aux premières loges où étaient les dames. J'aperçus un monsieur en grande toilette couché tout de son long sur un canapé, une lorgnette à la main, et je vis aussi ma personne en pied dans une glace. On m'introduisit dans une loge où je m'aperçus que je parlais en m'asseyant et qu'on criait autour de moi « silence » à quelqu'un. Je vis que les dames me jetaient des regards d'indignation et quoi ? Oui, Agnès, assise devant moi dans la même loge, à côté d'un monsieur et d'une dame que je ne connaissais pas. Je vois son visage maintenant bien mieux, probablement que je ne le vis alors. Se tourner vers moi avec une expression ineffable d'étonnement et de regret. « Agnès ?» dis-je d'une voix tremblante. « Bonté du ciel, Agnès !»« Chut, je vous en prie, » répondit-elle sans que je puisse comprendre pourquoi. « Vous dérangez vos voisins. Regardez le théâtre. » J'essayais, sur son ordre, de voir et d'entendre quelque chose de ce qui se passait, mais ce fut inutile. Je la regardais de nouveau et je la vis se cacher dans son coin et appuyer son front sur ma main gantée. « Agnès !» lui dis-je. « J'ai peur que vous ne soyez souffrante. »« Non, non, ne faites pas attention à moi, Trotwood, » répliqua-t-elle. « Écoutez-moi, partez-vous bientôt. »« Si je m'en vais bientôt ?» répétai-je. « Oui. » N'avais-je pas la sotte idée de lui répondre que j'attendrais pour lui donner le bras en descendant ? Je suppose que j'en exprimais quelque chose, car après m'avoir regardé attentivement un moment, elle parut comprendre et répliqua à voix basse « Je sais que vous allez faire ce que je vous demande quand je vous dirai que j'y tiens beaucoup. Allez-vous-en tout de suite, Trotwood, pour l'amour de moi, et priez vos amis de vous ramener chez vous. » Sa présence avait déjà produit assez d'effet sur moi pour que je me sentisse tout honteux malgré ma colère et avec un bref « bonsoir » qui voulait dire « bonsoir », je me levai et je sortis. Steerforth me suivit et je ne fis qu'un pas de la porte de ma loge à celle de ma chambre à coucher où je me trouvais seule avec lui. Il m'aidait à me déshabiller pendant que je lui disais alternativement qu'Agnès était ma sœur et que je le conjurais de m'apporter le tire-bouchon pour déboucher une autre bouteille de vin. Il y eut quelqu'un qui passa la nuit dans mon lit à rabâcher sans cesse les mêmes choses, à bâtons rompus, dans un rêve fiévreux, battu par une mer agitée qui ne voulait pas se calmer. Puis, quand ce quelqu'un retrouva peu à peu son identité, alors ma gorge commença à se dessécher. Il me sembla que ma peau était sèche comme une planche, que ma langue était le fond d'une vieille bouilloire vide qui se calcinait peu à peu sur un petit feu et que les paumes de mes mains étaient des plaques de métal brûlant que la glace même ne pourrait rafraîchir. Quelle angoisse d'esprit, quel remords, quelle honte je ressentis quand je revins à moi-même le lendemain. Quelle horreur j'éprouvais en pensant aux mille sottises que j'avais faites sans le savoir et sans pouvoir les réparer jamais. Le souvenir de cet ineffaçable regard d'Agnès, l'impossibilité où je me trouvais d'avoir aucune explication avec elle, puisque je n'avais pas seulement, animal que j'étais, ni pourquoi elle était venue à Londres, ni chez qui elle était descendue. Le dégoût que me causait la vue seule de la chambre où avait eu lieu le festin, l'odeur du tabac, la vue des verres, le mal de tête que j'éprouvais sans pouvoir sortir, ni même me lever. Quelle journée que celle-là ! Et quelle soirée, Quand, assis près du feu, je dégustais lentement une tasse de bouillon de mouton couvert de graisse et que je me dis que je prenais le même chemin que mon prédécesseur et que je succéderais à son triste sort comme à son appartement. J'avais bien envie d'aller tout de suite à Douvres faire une confession générale. Quelle soirée! Quand Mistress Krupp vint chercher la tasse de bouillon et qu'elle m'apporta dans un plat à fromage un rognon, un seul rognon, comme l'unique reste, disait-elle, du festin de la veille. Je fus sur le point de tomber sur mon sein de nankin et de m'écrier dans un repentir véritable « Oh, Mistress Krupp! Mistress Krupp! Ne me parlez pas de reste! Allez, je suis bien malheureux !» Seulement, ce qui m'arrêta dans cet élan du cœur, c'est que je n'étais pas bien sûre que Mistress Krupp fût et précisément le genre de femme à qui on eût dû donner sa confiance.